Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 janvier 2019. Voici les grands titres de cette grande édition. Une dizaine de vaches de race améliorées sur 70 données le mois dernier à la population de Guianga dans la province de Bubanza par le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement régional de la plaine de Limbo et du Mosso sont déjà mortes. Une grande perte pour les bénéficiaires. Et puis, le gouverneur de la province Kayanza a procédé ce mercredi à la destruction des eucalyptus plantés tout près des sources d'eau et au repiquage de plants d'arbres naturels au niveau de la source de la rivière Ruvuru en commune Muruta de la même province. C'est pour éviter le dessèchement de ces sources dues aux eucalyptus. Et les dockers travaillant au marché d'Iché Sion se plaignent des cotisations forcées qu'ils payent à leur association. On vous en parlera dans ce journal. Et à la une de l'actualité africaine, c'est l'élection de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Nous sommes là en RDC. Les ressortissants congolais vivant à Bujumbura placent d'immenses espoirs en cette victoire de Félix Tshisekedi de l'UDPS à l'élection présidentielle en RDC. Ils voudraient le voir apporter des améliorations, notamment dans les infrastructures routières. Et dans la chronique judiciaire, ce sera à la fin de ce journal. Un expert juriste nous expliquera que la présomption d'innocence est en principe reconnue durant toute la procédure judiciaire engagée contre un inculpé. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. 12 vaches de race améliorée sur 70 données le mois dernier à la population de Guianga dans la province de Bubanza par le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement régional de la plaine de Limbo et du Mosso sont déjà mortes, et cela en l'espace de 3 semaines. Les bénéficiaires parlent d'une grande perte. Le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement indique qu'il a déjà fait appel aux experts afin de sauver la situation. Correspondance d'OSPS Caritas Cavagnana. Le technicien vétérinaire sur terrain ce jeudi matin nous ont révélé que 6 vaches sont mortes suite à la babésiose car elles ont fait un long trajet et regroupé dans des véhicules. L'autre maladie suspectée serait la tellériose selon la même source. Mais ce technicien vétérinaire précise qu'il faut attendre les résultats du laboratoire national. Catherine Nahimana, vétérinaire communale à Guianga, indique également que le programme national Pensadrim qui a donné ces vaches a également disponibilisé des médicaments, même si les bénéficiaires en achètent d'autres dans des pharmacies. De son côté, le directeur provincial de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage à Bubanza demande aux bénéficiaires de bien entretenir ces vaches. Wilinda Ikeza précise également qu'il a déjà fait appel aux experts afin de sauver ce qui peut l'être encore. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spé. C'est l'Olicom indique que c'est impossible, le fait que c'est impensable de voir que les unités de production de jus continuent à fonctionner et à mettre sur le marché leurs produits au moment où ces derniers constituent un danger pour la santé des populations. Gabriel Ouftili, président de l'Olicom, trouve que laisser ces jus dans le circuit de commercialisation et fermer les yeux à leur production relève de l'irresponsabilité qui compromet la vie des citoyens. Suivez Gabriel Ouftili. Nous avons entendu un responsable du ministère du Commerce qui disait qu'ils avaient donné un ultimatum de 3 mois pour ces entreprises. Mais ces 3 mois viennent de passer et ils donnent encore 1 mois de plus. Pour Olicom, l'argument qu'il a avancé comme quoi ils sont en train de promouvoir les entreprises, je comprends, mais quand même la vie des citoyens dépasse les intérêts des individus. C'est la vie des citoyens, des Burundais, des résidents du Burundi qui sont mis en danger. Donc, pour nous, pas question vraiment de donner ce délai supplémentaire parce que c'est certes, nous sommes pour le climat des affaires favorables. Nous sommes pour la création des entreprises, mais des entreprises qui respectent les normes en matière des produits qui sont consommés au pays. Voilà pourquoi l'Olicom demande et appuie l'argument qui demande qu'il y a l'inspection systématique des entreprises et que la suite, donc le BBN, puisse contrôler systématiquement et donner des certificats. Il faut que les citoyens qui payent les impôts et taxes puissent être protégés, sinon c'est de la responsabilité de la part de ces gens-là qui sont payés par ces mêmes citoyens et qui ne parviennent pas à protéger ces mêmes citoyens. Gabriel Ofili, président de l'Olucom. Je vous l'avais dit, les dockers qui travaillent au marché Bujumbura City Market, dit chez Sion, se lamentent contre l'association Inhori Group qui leur fait payer au quotidien une somme de 300 francs burundais, sauf les dimanches, c'est-à-dire 1800 francs burundais la semaine. Ils disent ne pas savoir où va cet argent. Ils demandent que, ce soit, que cesse le paiement de ces frais qu'ils jugent forcés, du moment que ce n'est pas leur propre association, tout en expliquant également qu'ils n'ont pas de moyens pour s'en acquitter quotidiennement. Et le commissaire de ce marché dit chez Sion, Joseph de Condané, dit que chaque ménage a son organisation. Il précise que l'association Inhori Group n'a rien de commun avec ses dockers. C'est pour l'organisation du marché. Le fait de les faire payer ses frais est lié à la question de salubrité, mais surtout, c'est pour assurer la sécurité. Suivez-le. Et il est interrogé par Léonce Vitaliou. C'est un marché qui s'est organisé, qui paye des impôts. C'est un marché qui a un parking. Si vous voulez, notre objectif, ce n'est pas les faire payer les frais, mais c'est l'organisation. Parce que les commerçants ou les gens qui viennent ici pour vendre ou acheter, ils se prennent souvent en disant que quand ils achètent des marchandises, au moment de les charger vers leur voiture, ils sont volés par ces dockers. Alors, nous avons voulu localiser les dockers qui font ce métier comme docker et les gens qui se cachent derrière ce métier. Les localiser à travers le gilet et les 300 francs par jour. Le gilet, est-ce que ça ne suffit pas pour les localiser? On n'a pas une usine qui fabrique ces gilets. On doit les acheter. Et ces gilets ont des numéros dans le but, comme je l'ai dit, de les localiser pour qu'ils puissent payer, mais aussi pour qu'on puisse finir quelqu'un qui travaille en dehors de l'ordre qu'on a donné. Donc c'est dans le but d'organiser et cette organisation demande des moyens et c'est pas la société de payer ces moyens, mais ce sont ces gens qui bénéficient à travers leur force qui peuvent contribuer pour donner l'image positive de ce marché. Il y a salubrité, il y a sécurité, il y a aussi l'ordre en général. Ces frais que vous faites payer à ces dockers, est-ce que ça se fait à d'autres marchés? Je ne peux pas répondre ou organiser d'autres marchés. Ce qui se passe ailleurs, je ne peux pas commenter. Il y a des choses positives, mais aussi des choses négatives, mais je ne peux pas en commenter. Manque d'espace vert dans différents quartiers du chef-lieu de la province Ngozi. Le chef d'antenne régionale nord de l'urbanisme et de l'habitat reconnaît cela et promet de corriger cette erreur pour les nouveaux quartiers en cours de construction. Apollinaire Muzagara. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi déplorent l'inexistence d'aucun espace vert dans différents quartiers de cette ville, alors qu'ils sont, selon eux, de grande utilité. Ce sont des espaces récréatifs où les gens qui les fréquentent respirent du bon air, etc., explique Apollinaire Mbabadje, expert en protection de l'environnement. Ces habitants se disent étonnés par le fait que même les nouveaux quartiers récemment construits, comme Kinyami 2, un quartier construit de façon moderne ne dispose pas de tels espaces. L'actuel chef d'antenne nord de l'urbanisme et de l'habitat promet de corriger ses erreurs. Ingénieur Melkiad Maniragaba donne l'exemple d'un nouveau quartier de Vieyegua récemment viabilisé. De tels espaces verts y ont été prévus, explique-t-il. Il indique que des corrections de ces erreurs seront faites petit à petit, même pour les anciens quartiers déjà habités. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. On parle de la distribution de l'eau, notamment à Gitega, où le vol des couvercles des chambres de vannes et de distribution de l'eau de la régie des eaux prend une ampleur inquiétante dans la ville de Gitega et sur les collines environnantes. Le chef d'antenne de la régie des eaux au centre-est du pays invite alors la population à garder ses couvercles du moment que cette entreprise ne serait pas à mesure de placer des veilleurs partout où il y a ces infrastructures. Gérard Nibigira. La colline Rukova est l'une des collines environnant la ville de Gitega qui a bénéficié de l'addiction d'eau de la régie des eaux. Le chef de cette colline, Désiré Habimana, explique qu'une fois volé, ces couvercles métalliques sont vendus aux acheteurs des déchets métalliques ou aux soudeurs, mais à des prix dérisoires. Cela parce qu'un couvercle est vendu à un prix inférieur ou égal à 1000 francs. Quant à lui, le chef d'antenne de la régie des eaux, région Centre-Est, Jean-Claude Manelakiza, fait savoir que le vol de ces couvercles s'observe tant dans la ville de Gitega que sur des collines environnantes. Il précise que quand il les remplace, ils sont de nouveau volés. Comme conséquence, il parle de la destruction par des gens des vannes d'eau et de tuyaux plastiques situés dans des chambres de vannes et de distribution de l'eau. Il parle aussi des saletés qui se déposent dans ces chambres. En fait, il évoque le cas des gens qui tombent dans ces chambres sans couvercle et qui se blessent pendant la nuit surtout. Il demande donc à la population de garder ces couvercles des chambres de vannes et de distribution de l'eau du moment que la régie des eaux n'est pas en mesure de placer un veilleur partout où il y a ces infrastructures. Depuis Gitega, Jérôme Huguila pour la radio Isanganiro. Et pour boucler cette rubrique des nouvelles des Provences, plus de 200 sources d'eau de la Provence Cayenza ont déjà tari suite à la plantation des eucalyptus au niveau de ces sources. C'est le constat fait par le gouverneur de cette province, Anicienda Izeye, qui a procédé ce mercredi à la destruction de ces arbres et au repiquage de plants d'arbres naturels au niveau de la source de la rivière Ouvouou en commune Mourouta de la même province. Il a signalé que les propriétaires de ces plantations d'eucalyptus sont des personnes qui ne sont plus résidentes de cette localité. Retour sur Bujumbura pour vous dire que le ministère des Travaux publics dit être prêt à entamer les travaux de réhabilitation de la route Bujumbura-Nyanzalak. L'important est le décaissement des 119 milliards de francs burundais qui seront alloués à ce projet. Le ministre Jean Bosco Nzuenimana s'adressait aux députés à l'hémicycle de Kigobe comme invité du Parlement et la rédaction y avait dépêché Évariste Nzikobanyanga. Vous êtes en ligne avec nous. Vous pouvez nous dire ce qui a été dit en rapport avec ce projet? Oui, en rapport avec ce projet Bosco, c'est-à-dire que la route Bujumbura-Nyanzalak, donc le tronçon Rumonge-Nyanzalak, va coûter 119 milliards de francs burundais, soit 65 millions de dollars américains. Je vous dirai ici Jean Bosco, qui est le ministre en charge des travaux publics depuis ce matin, la matinée de ce jeudi, devant la chambre basse du Parlement, où il répond aux questions des députés. Il a indiqué l'origine de cet argent qui sera alloué à la réhabilitation de la route Bujumbura-Nyanzalak, précisément le tronçon Rumonge-Nyanzalak, c'est-à-dire que la banque Badea va donner 15 millions de dollars américains. Il y a le fonds saoudien qui va donner 15 millions de dollars américains également. Il y a donc l'office de l'OPEP qui va donner, du fonds de l'OPEP qui va donner 20 millions de dollars américains et le fonds cohésion qui va donner 15 millions de dollars américains. Ainsi que le gouvernement du Burundi qui va disponibiliser 3 millions de dollars américains. Oui, Évariste, vous venez de nous dire certaines sources de financement de ce projet, mais quelles ont été les grandes préoccupations exprimées par les députés? Oui, avant de vous dire les préoccupations qui ont été évoquées par les membres du chambre basse du Parlement et que ce prêt de cet argent vient d'être adopté en unanimité par 108 députés qui sont présents ici à Kigobe. Mais je vous dirais que parmi les préoccupations qui ont été soulevées par les députés, la qualité de cette route, ils sont revenus sur la défectuosité de certaines voiries qui ont été construites dans les années antérieures et qui n'ont pas duré ici. Et le ministre des Travaux publics a tranquillisé, disant que ceux qui vont donner cet argent, le gouvernement ainsi que les localités locales, les collectivités locales, vont travailler en concert pour vérifier, pour voir la durabilité de cette route, pour voir la qualité de cette route une fois réhabilité. Une autre question qui a été soulevée concerne les indemnisations à l'endroit des populations qui vivent au bord de la route Bujumbura-Nyanzalak. Ici, le ministre a indiqué aux membres de la Chambre basse du Parlement que le ministère a déjà rencontré les concernés trois fois et pense que cette question sera réglée avant le début des travaux de réhabilitation de cette route Bujumbura-Nyanza-Lac. Oui, Évariste, vous voulez bien donner cette précision parce que je dois avoir semé une confusion. Est-ce que c'est Bujumbura-Nyanza-Lac ou c'est Rumonge-Nyanza-Lac? C'est la route Bujumbura-Nyanza-Lac, mais le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac. Le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac qui devra coûter, dont la réhabilitation devra coûter 119 milliards de francs burundais. Merci Évariste. Merci Jean Bosco. Je l'avais dit dans les titres, les ressortissants congolais vivant à Bujumbura placent d'immenses espoirs en la victoire de Félix Tshisekedi de l'UDPS à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ils voudraient le voir apporter des améliorations, notamment dans les infrastructures routières. Suivez ce micro baladeur de la rédaction. Bon, c'était une chaleureuse joie que nous avions apprécié que le président Tshisekedi a vaincu des élections. Nous sommes vraiment d'accord avec lui. On va faire tous les moyens possibles qu'on travaille ensemble. Parce que vraiment, je suis dans la joie. Pensez-vous qu'il va amener le changement dans la République démocratique du Congo? Oui, oui, il y aura des changements parce que c'est un grand idéologue. Il fait beaucoup de choses, mais vu que son premier tour de travail, nous sommes d'accord et nous croyons qu'il va faire beaucoup de changements par rapport au partant. On la voit qu'il y a avec beaucoup de joie, parce que notre société, c'est l'alternance au pouvoir. Kabila était déjà éternel au pouvoir, comme il est parti, là, on va se reposer quand même avec le nouveau régime. Surtout nous, les ressources du Kivu, on a beaucoup de problèmes de guerre là-bas, peut-être qu'il va stabiliser ça. J'ai de l'espoir et que Dieu lui le bénisse et qu'il aille à l'avant avec l'éternel. Nous sommes vraiment contentes d'avoir un nouveau président. On souhaitait que Fayulu soit élu, mais on espère toutefois que Tshisekedi a lui aussi des bons projets pour le pays, comme la réhabilitation des routes. Nous sommes très contents vraiment de ça. Je pense qu'il y aura un espace, il y aura des changements au Congo. C'est ça bien. On a bien accueilli tout. Tshisekedi, c'est beau parce qu'on voulait le changement. Le pays, c'est bon. Que pensez-vous qu'il va changer dans le pays? Il va changer parce que les choses qu'on faisait avant. S'il veut bien travailler, il a qu'à construire les routes, tout ça. Pour moi, c'est la mienne. Voilà, c'était les propos recueillis auprès des ressortissants congolais vivant à Bujumbura. Sachez que Félix Tshisekedi vient de remporter l'élection présidentielle en RDC. Selon les résultats provisoires donnés par la commission électorale CENI, il s'impose avec 38,5% des voix devant un autre opposant, Martin Fayulu, et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Pour le fils de l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, c'est la consécration, mais c'est aussi une victoire dans l'ombre du père. Un résultat contesté notamment par son rival, Martin Fayulu, et l'Église catholique. Même le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian, met en doute la conformité des résultats proclamés. Tout de suite, la chronique judiciaire. Radio Isanganiro, chronique justice. La présomption d'innocence est en principe reconnue durant toute la procédure judiciaire engagée contre un inculpé. Le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice explique que les instances de l'enquête doivent éviter de le qualifier de criminel jusqu'à ce que la justice établisse sa culpabilité. Edouard Minani précise que le principe vise le respect des droits de l'homme et surtout la liberté de la personne humaine. Les détails sont dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenet. Le principe de la présomption d'innocence est garanti par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, textes qui font également partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été jugé tel par un tribunal. Les explications sont du directeur du Centre de formation professionnelle de la justice. Toute personne qui se voit reprochée d'une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. C'est-à-dire que les juridictions compétentes doivent pouvoir prouver que la personne poursuivie est réellement coupable d'un fait quelconque qui est puni par la loi positive. Edouard Minani indique que le but de ce principe est de veiller au respect de la liberté de l'inculpé, sauf exception. La première chose, c'est le principe important du droit de l'homme, qui est la liberté. Que finalement, cette présomption d'innocence doit prévaloir pour que ceux qui n'est pas coupable par la juridiction ne puisse pas être privé de liberté. En réalité, on le protège contre l'emprisonnement arbitraire. Il peut prouver toujours qu'il est innocent, même s'il est poursuivi par la justice, par la police. La constitution burundaise prévoit que la libre défense de la personne poursuivie doit être respectée. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. Durant la procédure de l'enquête, il est strictement interdit à toute personne de prononcer la culpabilité de l'inculpé. Lorsqu'il est dans la phase de la procédure inquisitoriale, donc de l'enquête, il est présumé auteur, mais il n'est pas présumé coupable. Parce que la culpabilité est établie par une juridiction, par un jugement. Donc, il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une juridiction compétente et selon une procédure équitable et impartiale. La présomption d'innocence vise ainsi le respect des droits de l'homme jusqu'au verdict du tribunal compétent. C'est plus une expression qui est basée sur le but qui est recherché, la liberté, les droits de l'homme. Donc, on fait peser le pas sur la présomption d'innocence plutôt que sur la présomption de culpabilité. Même devant le juge, tant qu'il n'a pas encore eu jugement définitif, il est encore dans la phase inquisitoriale, donc il peut toujours présumer innocent. Il revient au ministère public d'établir la preuve de la responsabilité de l'inculpé. Mais le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice précise que le principe de la présomption d'innocence reste de rigueur. Nous y reviendrons dans la prochaine chronique. Voilà, c'est sur cette chronique judiciaire que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le réaliser, à le présenter. Une très bonne journée.